Ce jour, petite réflexion au sujet des léchos et autres suctions ciblées. Car les pratiques sexuelles ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui est une bonne chose en soi. Si ce n'est qu'on en oublie quelquefois qu'il ne s'agit pas de suivre une notice comme s'il s'agissait d'un meuble Ikea. D'ailleurs, si on est mauvais en bricolage, ça ne sert à rien. Le modèle montre en main, tu me lèches, je te suce et puis on baise, est malheureusement encore trop souvent d'usage. Or, la volupté a besoin de subtilité. Il faut prendre en compte que la sexualité et surtout les préférences sont spécifiques à chacun. Il est donc nécessaire d'être à l'écoute de son propre corps, mais aussi d'être attentif à ce qui plaît réellement à son ou sa partenaire, surtout qu'en matière de sexe, rien n'est obligatoire. On fait ce qu'on aime et ce dont on a envie, à point, c'est tout. Il y a l'exemple des incontournables caresses buccales, qui ne doivent toutefois pas être considérées comme un dû par l'un et subies par l'autre au risque de transformer ce délicieux moment en un insoutenable calvaire. Il se trouve qu'une gâterie, c'est comme le chocolat. Terriblement bon. Malgré cela, tout le monde n'aime pas ce plaisir pour autant. Tous les goûts sont dans la nature. De plus, comme pour toute gourmandise, il est également préférable de proposer une marchandise de qualité. Les fruits avariés, genre bananes périmées ou abricots pas frais, sont rarement appréciés. Sans oublier que certaines techniques laissent à désirer, même après des années de pratique. Néanmoins, lorsque tous les ingrédients sont réunis, le mets est fort délicieux.